France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, les années Maznev. Ou comment, durant 50 ans, un écrivain a pu faire l'apologie de la pédocriminalité en étant protégé par l'intelligentsia française. Ses livres sont alors publiés par les plus grandes maisons d'édition et sont célébrés par les médias qui louent son phrasé aristocratique, ses références bibliques et son anticonformisme. Dans les faits, Maznev décrit ses virées à Manille à la recherche de petits garçons, ainsi que son appétence pour les très jeunes filles, qu'il sélectionne devant les collèges ou à la piscine de Ligny, dans les beaux quartiers de Paris. De livre en livre, c'est un véritable tableau de chasse qui se déploie. Jusqu'à ce qu'en 2020, l'une de ses proies se retourne contre lui par le biais d'un livre explosif, Le Consentement. Son autrice, Vanessa Springora, qui fut sa victime entre 1985 et 1988 et dont le récit agit en écho à la révolution MeToo. Dans son livre, elle pose à la fois la question et le diagnostic. Ce n'est pas mon attirance à moi qu'il fallait interroger, mais la sienne. Une interrogation qui sonne comme un procès, celui d'une époque confite dans ses illusions et prise au piège de sa propre omerta. Ces années libertaires abreuvent la nostalgie des « c'était mieux avant » et des « on ne peut plus rien dire ». Des gens qui ont du mal à reconnaître que les années en question n'étaient libertaires que pour eux. Mais pour la jeunesse, féminine majoritairement, elle pouvait être liberticide et hautement toxique. Notre invitée aujourd'hui, l'historienne Anne-Claude Ambroise Rendu, autrice de « L'histoire de la pédophilie » publiée chez Fayard en 2014. Affaires sensibles, une émission de France Inter diffusée en direct. Récit documentaire Sophie Bobert, rédaction en chef Franck Cognard, chargée de programme Rebecca Donnante, réalisation Frédéric Milano. Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter. Paris, vendredi 2 mars 1990. L'air est glacial en ce début de soirée. Pour un peu, il neigerait. Alors, quoi de mieux que de se blottir sur son canapé en regardant Apostrophe. L'émission réunit depuis 15 ans déjà la fine fleur des écrivains autour du maestro Bernard Pivot. Chaque vendredi, 5 millions de téléspectateurs sont fidèles au poste. C'est peu dire que l'émission est une institution qui assure aux invités une notoriété incontestable. À l'écran, le concerto pour piano numéro 1 de Rachmaninov surgit et Bernard Pivot présente le thème du jour, la fidélité. Ses invités, le romancier Alexandre Jardin, qui célèbre l'abstinence, le couple Stagnara, qui défend la stabilité, la biographe Catherine Hermary, qui raconte l'amour courtois, et la journaliste québécoise Denise Bombardier, qui décrit l'intrépidité réelle ou supposée des femmes, et puis le libertin Gabriel Maznev. Ah, Maznev, enfin un peu de soufre. Certes, l'homme ne vend pas des best-sellers, mais il a une conception particulière de l'amour qui ne s'attache qu'aux très jeunes gens. Comme l'indique son précédent livre, Les moins de 16 ans, publié chez Julliard en 1974, et comme il le raconte ici au micro de Jacques Pogam, sur France Culture. Moi, j'aime les jeunes femmes, j'aime les jeunes filles, mais j'aime aussi les petits garçons. Et c'est, tout ça, c'est absolument effrayant, vous comprenez ça. Parce que les journées n'ont 24 heures. Et que j'aime aussi voir mes amis, j'aime bien manger, j'aime bien dormir. Pas que tout à l'heure, vous nous parliez de gymnastique et de rythme physique. Ah, mais oui, mais ça, c'est terrible. C'est pour ça que la vie est courte, vous savez. Mais ça, c'était toujours une idée que j'ai trouvée, que j'ai apprise chez les stoïciens, notamment chez Sénèque, ainsi que dans l'Évangile, parce que le Christ dit la même chose. Vous savez, les gens très bien disent tous la même chose. Le Bouddha aussi dit des choses de ce genre-là, qu'il faut vivre chaque journée comme si c'était la dernière. C'était une aventure schismatique. Mais cela dit, il ne faut pas être schismatique délibérément, par goût du scandale. Je n'ai aucun espèce de goût du scandale, je le suis naturellement. N'est-ce pas ? C'est une espèce de nature qui est en moi, mais je n'y suis vraiment pour rien. Langue précieuse, empreinte de culture ancienne et propos scandaleux, mais audience assurée. Or, ce soir-là, l'émission traîne un peu, sans que l'écrivain ne se distingue vraiment. Costume austère et crâne rasé, l'homme se contente d'écouter. jusqu'à Saka. À la 58e minute, Bernard Pivot se tourne vers lui et lui lance. Pourquoi vous êtes-vous spécialisé dans les lycéennes et les minettes? Au-dessus de 20 ans, on voit que ça ne vous intéresse plus. Mon cher, c'est la réciprocité aussi qui est vraie. Je n'ai jamais eu aucun succès auprès des femmes de 25, 30 et plus, des femmes installées dans la vie. J'aime bien aussi, je trouve que quand on a dans sa vie quelqu'un qui n'est pas encore durci par la vie, oui. Une femme qui a déjà eu beaucoup d'hommes dans sa vie, beaucoup de désillusions, parce que comme les hommes sont en général soit des égoïstes, soit des lâches, les femmes ne peuvent que se durcir, n'est-ce pas? Et donc, une fille de très jeune est plutôt plus gentille, même si elle devient très très vite hystérique et aussi folle que quand elle sera plus âgée. Autour de lui, les rires. La caméra zoome sur la dame qui prenait la fidélité, qui soudain s'esclave. Puis c'est Catherine Hermary qui lance à Matzneff. Vous avez une santé de fer. Et tous rient, oui. Tous, sauf cette autrice québécoise, assise à sa droite là, Denise Bombardier, qui, la tête penchée, le regard ferme, intervient. Moi, Monsieur Matzneff, me semble pitoyable. Ce que je ne comprends pas, c'est que dans ce pays, et je le comprends parce que la littérature a une sorte d'aura ici, c'est que dans ce pays, la littérature, entre guillemets, sert d'alibi à ce genre de confidences. Parce que ce que nous raconte M. Matzneff dans un livre qui est très ennuyeux, parce que la répétition est extrêmement ennuyeuse, le livre finit par nous tomber des mains. Madame, ne devenez pas agressive, n'est-ce pas? Devenir agressive comme ça dans une histoire. M. Matzneff nous raconte qu'il sodomise des petites filles de 14 ans, 15 ans, que ces petites filles sont folles de lui. On sait bien que des petites filles peuvent être folles d'un monsieur qui a une certaine aura littéraire. D'ailleurs, on sait que les vieux monsieur attirent les petits-enfants avec des bonbons. M. Matzneff, lui, les attire avec sa réputation. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est comment ces petites filles de 14 ou 15 ans, n'est-ce pas, qui ont été non seulement séduites, mais qui ont subi ce que l'on appelle, dans les rapports entre les adultes et les jeunes, un abus de pouvoir, comment s'en sortent-elles, ces petites filles, après coup? Moi, je crois que ces petites filles-là sont flétries. Et la plupart d'entre elles, flétries peut-être pour le restant de leurs jours. Soudain, tous se taisent. À part Matzneff qui répond, tranquille, « Heureusement que je suis un homme courtois, car je trouve insensé de parler comme vous venez de le faire. » Et il enchaîne, en lui interdisant de porter le moindre jugement sur son œuvre. « Car un livre, c'est d'abord un style, dit-il. » Ce à quoi Denise Bombardier répond « La littérature ne peut servir d'alibi, on l'a entendu. Je pense que si M. Matzneff n'était pas un écrivain mais un employé, il aurait des comptes à rendre avec la justice. » Stupeur de Bernard Pivot qui botte en touche et renvoie la balle au couple Stagnara qui évoque une forme d'aliénation permise en France. Comprenne qui pourra. Puis c'est au tour de Catherine Hermary de se concentrer sur la souffrance du libertin et la souffrance des jeunes filles. Pas un mot. En guise de conclusion, Pivot rend la parole à Matzneff et clap de fin. Mais après l'émission, le cocktail passe mal. Dans son livre « Une vie sans peur et sans regret » publié chez Plon en 2018, Denise Bombardier se souvient. C'était affreux. Les gens faisaient cercle autour de Gabriel Matzneff. Je ne suis resté, moi, que 5 minutes. Aussi fou que cela puisse paraître, c'est elle qui aurait indigné le téléspectateur et non Matzneff. Car enfin qui est-elle, cette écrivaine, pour s'en prendre à une figure littéraire et le traiter de délinquant sexuel? Faut-il lui rappeler qu'en France, la justice est en retard sur la société et que, contrairement à elle, Matzneff a été invité 6 fois à Apostrophe. Plus 40 serviettes, c'est un blanc, ça. Quelques jours plus tard, l'éditeur Philippe Sollers qualifie publiquement Denise Bombardier de connasse et de mal baisée. Le journaliste Jacques Lanzmann s'étonne que Matzneff ne lui ait pas mis une grande baffe en pleine figure. Et Josiane Savigno, la responsable du Monde des Livres, déclare « Découvrir en 1990 que des jeunes filles de 15 ou 16 ans font l'amour à des hommes de 30 ans de plus, la belle affaire. » Est-ce un hasard ? 6 mois plus tard, France Culture offre 5 heures d'antenne à Matzneff qui répond aux questions de Roger Vrigny dans l'émission « À voix nue ». Et il revient sur l'attaque de Denise Bombardier. Je tiens à dire, je le dirai modérément parce que nous sommes à France Culture, que j'emmerde à pied, à cheval et en voiture ceux qui se permettent de me donner des leçons de morale. J'accepte des leçons de morale de mon confesseur et de ma propre conscience, ce sont les deux seuls professeurs que je vais consulter. Ça sera mon confesseur et ma propre conscience. Et les autres. Refuser la société. Je ne refuse pas du tout la société, mais que chacun s'occupe de ses oignons. Est-ce que moi je m'occupe de la vie privée des autres? Et qu'est-ce que c'est ces gens? J'aurais savoir quelle est leur propre vie privée. Tous ces gens qui me condamnent et qui me critiquent dans des articles de presse ou dans des émissions prétendues littéraires où brusquement on voit apostrophe se transformer en deux flics à Miami, n'est-ce pas? Et alors. Non, mais je crois qu'à la différence de vous, leur vie privée, ils ont la prudence de ne pas l'étaler. Bon, ce sont des hypocrites, des pharisiens hypocrites. Eh bien, le Christ nous a dit ce qu'il fallait penser des pharisiens hypocrites. Eh bien, moi, je suis contre les pharisiens hypocrites. De son côté, Denise Bombardier se souvient que son éditeur lui avait dit tu ne sais pas à quoi tu t'attaques. Genre kamikaze. Mais à quoi s'attaque-t-elle précisément? Au royaume des belles-lettres? Pas seulement. Elle y affronte également la figure de l'écrivain avec un grand E, dans un pays contrit d'avoir refusé à Molière les derniers sacrements ou d'avoir harcelé Baudelaire, peut-être. C'est-à-dire qu'en 3 minutes seulement, ce 2 mars 1990, Denise Bombardier a osé dynamiter les codes de la vie intellectuelle française. Et ce n'est pas rien. D'après le sociologue Pierre Dervinger, les années 70 et 80 nous mettent en présence d'un monde disparu. Preuve en est, ce reportage de l'ORTF diffusé le 15 mars 1968 dans l'émission Panorama. Il y a moins d'un demi-siècle, le pape Pie XI condamnait la coéducation des sexes. Depuis juin 1966, le secrétariat de l'enseignement catholique non seulement autorise la mixité, mais la conseille. Dans ce collège religieux de la région parisienne, le sport est une des rares activités qui ne soit pas mixte. Pas de sport avec les garçons. Non. Et pourquoi? Je sais pas. Ça se fait pas. Vous trouvez qu'on pourra en faire ou... Oui, je crois. Ça serait beaucoup mieux. Ça serait beaucoup mieux? Oui. Quel sport? Parce que tous les sports, vous croyez, peuvent se pratiquer mixte? Oh, sport ballon. Sport ballon, du style basket, volley, oui. Des choses comme cela. Et les garçons n'avaient pas l'air très chauds pour faire du sport avec les filles. Je sais pas. Ils avaient peur de vous faire mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est parce qu'ils ont peur de se faire battre. Pas de sport en commun, pas de libre circulation entre garçons et filles dans les résidences universitaires. Des interdictions ressenties, à juste titre, de façon oppressante par cette génération d'après-guerre qui fustige des atteintes majeures à sa liberté. En quelques semaines, le conflit atteint la Sorbonne, l'esprit 68 exulte. Et le combat va continuer. Car pour les jeunes, l'idée de faire table rase du passé. Le 11 mai, de retour d'un voyage officiel à Téhéran, le Premier ministre Georges Pompidou évoque une crise de civilisation. Une crise ou un espoir? C'est selon. Mais les slogans sont désormais suivis à la lettre. Cours, camarade, le monde est derrière toi. Jouissez sans entrave. Il est interdit d'interdire. Mais interdire quoi? Interdire d'obéir aux flics, aux juges, aux enseignants ou aux parents? En somme, tout devient politique, comme l'explique ce lycéen très doctement au micro de France Culture. Moi, à mon avis, ce qu'il faut d'abord retrouver dans la sexualité, c'est l'épanouissement de l'individu, c'est-à-dire le plaisir et le jeu. D'écrire à des élèves dans les lycées les organes sexuels et sans leur parler de comment, qu'est-ce que c'est l'orgasme au niveau du plaisir, au niveau de la libération, au niveau du psychisme de l'individu, qu'est-ce que ça entraîne, comment et dans quelles conditions peut-on atteindre ce que, par exemple, William Reich appelait l'orgasme total? Il expliquait que ce n'était pas possible du fait de tous les stress, de toutes les contraintes que subissait l'individu soumis aux normes d'une société, quelle qu'elle soit d'ailleurs. C'est-à-dire que la sexualité doit être la chose de tout le monde. De même que, quand on parle de politique, la politique, c'est la chose de tout le monde. Ce n'est pas une spécialisation de quelques individus. Car le sexe, lui aussi, est politique. Pour reprendre un slogan bientôt culte, l'idée est alors de changer la vie. Mais l'effet pervers de cette très bonne intention, c'est la porte qui s'ouvre sur ce qu'on appelait à l'époque la pédophilie. Comme si aimer les enfants, c'était de les abuser sexuellement. D'où le terme utilisé maintenant de pédocriminalité, vu qu'il ne s'agit rien d'autre que cela. Mais l'heure est à la déconstruction des interdits. Déconstruction, déjà. Les intellectuels convoquent alors l'histoire, la sociologie et la psychanalyse, se réfère à Freud, qui qualifie l'enfant de pervers polymorphe, à Marx, qui appelle à combattre les logiques de domination. Des moulins à vent, de la poudre aux yeux, peu importe, le message passe, qui dit en substance que tout est libérateur, même la pédophilie. C'est-à-dire qu'en émancipant les mineurs, on favorise sa liberté. D'autant que le scandale fait recette. Les photos érotiques des jeunes filles de David Hamilton se vendent par milliers. Et même Léo Ferré s'y met. Dans le bien nommé album Amour Anarchie Ferré, il chante « Quand tu es sorti de l'école, tu m'as lancé tes petits yeux doux. Avant de conclure, quand sous ta robe, il n'y aura plus le code pénal. » Et le public applaudit. Dans la foulée, Daniel Cohn-Bendit publie Le Grand Bazar, dans lequel il raconte son expérience d'éducateur alternatif à Francfort, au début des années 70, et dans l'émission Apostrophe, du 23 avril 1982. Vous savez que la sexualité d'un gosse est absolument fantastique. Il faut être honnête, sérieux. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique, parce que c'est un jeu. C'est un jeu absolument érotico. Vous me troublez. Des rires sur le plateau. Mais comme le rappelle la géographe Sylvie Brunel, ne croyez pas que l'époque était entièrement libertine ou tolérante. La France profonde n'en pensait pas moins, mais elle n'avait pas droit au chapitre. Non. Celle qui a droit au chapitre, c'est l'intelligentsia parisienne. Bluffée par le savoir et avide au renouveau, elle accepte tout de ses mentors. L'idée défendue par le grand Michel Foucault, à qui pourtant on le doit tant, mais qui s'est fourvoyé sur ce terrain, est alors de comparer la famille à une instance de contrôle pénitentiaire, à un panoptique, régi par les parents et a fortiori par les mères, toutes puissantes. Car enfin, de quel droit interdire le plaisir à son enfant ? En 1974, dans son livre « L'imperverti », le philosophe René Scherrer milite pour satisfaire l'immensité des désirs en dehors des familles et contre elles. Oui, contre elles. Une théorie à laquelle souscrit évidemment Gabriel Masneff dans l'émission Radioscopie. C'est vrai que vous aimez les moins de 15 ans, les moins de 16 ans. C'est vrai que vous allez à la sortie des lycées. C'est vrai que vous fréquentez la piscine de Ligny et pour des bonnes raisons. Alors moi, je pense à tous les parents. Je pense à tous ceux qui ont des filles ou des garçons de 15 ans et qui peuvent s'étonner justement de vos fantasmes et qui n'ont peut-être pas les mêmes idées que vous. Vous avez votre liberté. Mais vous leur enlevez peut-être quelque chose, et peut-être enlevez-vous encore plus à ceux que vous rencontrez. Alors, où en êtes-vous de ce côté-là ? Pardon de vous le poser aussi brutalement. Mais je vous en prie, votre question n'est pas du tout brutale, elle est au contraire extrêmement intéressante et posée admirablement. À moins que vous sachiez, dans le même temps, séduire les mères. Mes relations avec les mères sont en fait un peu difficiles, je dois dire. Pas à cause de moi, mais parce que les mères, en général, certaines mères supportent mal de voir leur fille de 15 ans, de 16 ans, entrer sur le théâtre de la vie amoureuse et commencer à avoir une vie privée. Et les mères, il y a une sorte de jalousie des mères, et il y a également une jalousie des pères qui, pour d'autres raisons, n'aiment pas que leurs adolescentes de filles aient des amants. Pour Masneff, coucher avec un ou une enfant est, je cite, une épreuve baptismale, une aventure sacrée. Et il ajoute, le Collège de France est le seul collège dont je ne fasse pas la sortie. Et l'on rit, l'homme est si élégant. Il pourra entrer à l'Académie française ou au Collège de France dont il ne ferait pas les sorties. Pédophile, oui, mais si savant. Comme quoi le mot pédophile est pratique, phil, suffixe ou préfixe, d'aimer. Ça passe comme une lettre à la poste, et c'est tellement mystique. Petit-fils de Russe Blanc, Masneff se dit l'héritier de Gide, de Byron et de Casanova. Voilà qui impressionne. Parmi ses amis, l'écrivain Christian Guidicelli, l'éditeur Jean-François Colosimo et toujours Philippe Solers. Alors, à Saint-Germain-des-Prés, on s'arrache son livre « Les moins de 16 ans » qui, sur sa quatrième de couverture, brandit ces mots. Voici l'archange de l'amour fou. Il aime les filles, les garçons et le dieu des Russes. Se foutre dans un livre de Masneff, c'est ouvrir les fenêtres. Il porte une grande cape blanche et avance légèrement au-dessus du sol. Les pères ne peuvent pas aimer Masneff, les mères non plus. Ça vole trop haut, Masneff, ça n'est pas d'époque. Ah, les temps sont durs pour les archanges. Si vous avez des chérubins chez vous, offrez-leur Masneff. Leur offrir ce livre, à voir. Car en vérité, qu'en pensent-ils ces chérubins de Gabriel Masneff ? Sont-ils aussi confiants que leurs parents ? Marchiez Juliette au bord de l'eau, vos quatre ailes rouges sur le dos, vous chantiez Alice de Lewis Carroll sur une bande magnétique un peu folle. sur les vieux écrans de 68. Vous étiez chinoise, mangeuse de frites. Ferdinand Godard, vous avez un baguet. De l'autre côté du miroir d'un café. Dans la tire qui mène à Hollywood, vous savez bien qu'il faut jouer des coudes. Les superstars, les petites filles de Marlène, vous coinceront Juliette dans la nuit américaine. France Inter, affaires sensibles. En somme, en ces années-là, la pédophilie est devenue un climat. Et les lignes politiques bougent, elles aussi. À l'extrême gauche, le journal Guépier dénonce la phobie de la pédophilie. Tandis qu'à l'extrême droite, Alain de Benoist estime qu'il est plus dangereux de regarder des jeux télévisés que d'avoir la passion des fesses fraîches et des seins en bouton. Étrange attelage. Comme le résume l'historienne Anne-Claude Ambroise Rendu, plus rien ne va de soi. Une aubaine pour Masneff. Porté par un climat si amen, le même Masneff lance une pétition dans le journal Le Monde. Nous sommes là en janvier 77 et trois hommes comparaissent pour avoir eu des relations sexuelles avec des ados de 13 et 14 ans. Alors Masneff prend la plume pour les défendre. 3 ans pour des baisers et des caresses, ça suffit, dit-il. Et lorsqu'il ouvre son carnet d'adresses, c'est tout le botamondin qui signe avec lui. Jack Lang, Bernard Kouchner, Roland Barthes, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Michel Foucault, Louis Aragon, Patrice Chéreau, la liste est vertigineuse. Tant d'intellectuels peuvent-ils à ce point se tromper? Des années plus tard, dans le journal Les Échos, le cofondateur de Libération, Philippe Gavi, avouera. Ce manifeste a été signé par tout le monde par idéologie, mais aussi par suivisme par rapport à tous ces grands noms signataires. Sartre l'a fait au nom de la liberté. Okengame et Foucault en raison de leur aversion pour l'enfermement, et Deleuze au nom du droit à la jouissance et à l'exaltation du désir, même s'il faut reconnaître que ce droit était considéré du point de vue de l'adulte et non de l'enfant. Mais on doit se rappeler du contexte, qui était celui d'une opposition de fond à tout ce qui incarnait l'autorité. Même les partouzes étaient considérés comme de l'art. En réponse, et durant 5 ans, Le Monde offre à Masneff une chronique hebdomadaire en page 2. Un an plus tard, Libération publie un dessin montrant une gamine faisant une fellation à un adulte sous le titre « Apprenons l'amour à nos enfants ». Le journal sert même de poste restante à l'éphémère front de libération des pédophiles, le bien nommé « Flip », et ouvre son courrier aux annonces des pédocriminels. À chaque fois, le journal est poursuivi en justice, à chaque fois, son directeur Serge-Julie persifle contre l'étroitesse des juges. Or, ces intellectuels confondent tout, homosexualité, IVG et pédocriminalité. Certains d'entre eux espèrent qu'après la légalisation sur la contraception en 67, la suppression de l'homosexualité en tant que trouble mental en 75, viendra le temps de l'abolition de l'âge de la majorité sexuelle pour tous, et surtout entre tous. Et en effet, avec l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, l'âge de la majorité sexuelle est abaissé à 15 ans. Mais dans les faits, les relations sexuelles entre adultes et moins de 15 ans restent punies. Et ce depuis 1832, date à laquelle le législateur invente le crime de pédophilie et crée l'attentat à la pudeur sans violence sur les mineurs de moins de 11 ans, âge remonté en 1945 à 15 ans. Attentat à la pudeur sans violence. Mais quid de l'emprise? Quid du consentement? Quid de la souffrance? N'est-elle pas violence? Mais dans les années SIDA, l'ambiance commence à changer. Dans les médias, certains tournent le dos aux dérives 68 tardes. Les intellectuels d'hier remisent leurs utopies au placard. Et comme souvent, une mode chasse l'autre. Une évolution incarnée dans l'émission Les Dociles d'écran, qui en 1986 donne la parole à Eve Thomas, une jeune femme qui raconte son calvaire d'enfant abusé. Soudain, le standard de l'émission s'affole et les témoignages s'agrègent, toujours plus sordides. Et la France est sidérée. Mais cela n'empêche pas Gabriel Massenet de persévérer. Comprenez, ce sont ses conquêtes qui inspirent ses livres. L'homme n'est pas le commun des mortels, c'est un écrivain. Parmi ses proies, la jeune Francesca J., 15 ans dans les années 70, et Vanessa Springora, 14 dans les années 80. Il en parle volontiers, comme ici dans Radioscopie. Je trouve extraordinaire qu'une fille de 15 ans, géniale, qui était géniale, ait fait vivre à un homme 3 années d'amour-passion, ça a été réciproque, passionné, et lui a ensuite inspiré 3 livres. Enfin, je trouve ça prodigieux. Voilà une existence tout à fait justifiée. Et cette rencontre est superbement justifiée, même si on s'est fait du mal, même si on s'est fait pleurer, même si ça a été une liaison très, très orageuse. C'est quand même très beau. Moi, je trouve que c'est très, très beau et je suis même encore ému en y pensant. Je voudrais savoir ce qu'elle est devenue, cette Francesca. Parce qu'il y avait 12 poèmes pour Francesca qui se retrouvent en Angiolina. Je voudrais savoir que lorsqu'on vieillit, est-ce qu'on a encore le même charme pour vous? Elle a été adolescente, elle ne l'est plus. Écoutez, elle est peut-être mariée aujourd'hui. Écoutez, je préfère ne pas répondre à cette question. Évidemment qu'il ne préfère pas répondre, parce que Francesca va mal, comme toutes les filles qu'il a flétries, pour reprendre le vocable employé par Denise Bombardier. Car même sans violence, contrainte, menace ou surprise, la relation d'un homme avec une personne de moins de 15 ans engendre forcément un déséquilibre. En outre, l'acte est pénalement répréhensible. Convoqué 4 fois à la brigade des mineurs, Massenet s'en sort en embobinant les enquêteurs et en dissimulant les preuves, au grand soulagement de la mère de Vanessa, dont la responsabilité eût pu être engagée. Mais ce n'est pas tout, car c'est sans vergogne qu'il actionne ses réseaux et argumente, notamment sur cette lettre de soutien que François Mitterrand lui aurait écrite avant de prendre clairement ses distances. Si tel est le cas, quel meilleur passe-droit ? Et les passe-droits, il en aura. Tout d'abord ceux de la maison Yves Saint-Laurent, Pierre Berger donc, qui se serait acquitté des factures d'hôtel qui abritaient la relation entre Massenet et Vanessa Springora. Nommé officier des arts et des lettres en 95, puis chevalier de l'ordre national du mérite en 98, c'est vers Jean Tiberi, maire du 5e arrondissement, que Massenet se tourne en 2002 pour bénéficier d'un logement à 350 euros par mois. Autant dire un miracle au cœur de Paris. En 2002, Massenet remue ciel et terre pour toucher une allocation à vie de 800 euros par mois de la part du Centre National du Livre, le CNL. Les lettres de recommandation affluent et l'écrivain obtient ce qu'il veut. Mais les années passent et il vieillit. Ses obsessions lassent et désormais, les années libertaires font sourire lorsqu'elles ne font pas froid dans le dos. En 1996, l'affaire du trou surgit et terrifie, comme en témoigne l'émission « Là-bas si j'y suis ». Stéphanie, mais c'est quoi ou juste un pédophile? Je ne sais pas, on ne nous l'a pas expliqué parce que ils trouvaient que sinon qu'on ne devait pas expliquer ça aux enfants, ils n'ont pas expliqué. Ah, ils vous ont pas expliqué précisément ce que c'est qu'un pédophile? Comment vous pourriez dire ça, vous, madame, à votre fille? C'est bien difficile, hein? C'est délicat, surtout qu'elle n'a que 9 ans. Ben oui. C'est quelqu'un qui leur veut du mal, parce qu'ils ont des gestes qu'il ne faut pas accepter. Mais comment voulez-vous dire ça à un enfant de 9 ans? Ouais. Ouvertement, c'est pas très facile, hein? Non, ce n'est pas facile d'en parler, surtout lorsque les pédophiles sont à ce point protégés. Et c'est toujours le cas dans la bonne société parisienne. Lorsque Massenet reçoit, par exemple, le prix Renaudot en 2013 pour son livre « Séraphin, c'est la fin », publié à la table ronde. Le jury l'a choisi à 7 voix contre 3, après que son ami Christian Guiducelli a ardemment plaidé sa cause. Ainsi, et alors qu'il frôle les 80 ans, Massenet continue de structurer cet ordre. Ou, devrait-on dire, cet ancien régime? Ses partisans se mobilisent. Dans Le Point, Jean-Paul Entoven écrit que l'on ne s'y trompe pas. Cet homme aime frénétiquement le bonheur. C'est par là, plus que par ses mœurs, que Gab risque de demeurer scandaleux pour des contemporains qui n'en finissent pas d'être chafouins. Le goût du bonheur, Stendhal en son temps avait déjà été condamné pour ça, dit-il. Quant à Libération, il brosse son portrait sous la plume de Luc Levaillant, pour qui cet amateur de jeunes filles en fleurs, qu'il couche aussi dans son journal, hérite une société au moralisme de plus en plus sourcilleux. Oubliant au passage qu'au-delà de la morale, il s'agit là aussi d'un problème pénal. Et il ajoute, dans une société gâteuse et infantile qui voit les pédophiles partout, à Paris comme à Manille, il fait une cible d'autant plus parfaite qu'il se fiche des limites comme d'une guigne. Mais s'en fiche-t-il vraiment ? En vérité, Masnef sent venir la disgrâce, comme il le confesse au micro d'Olivier Germain-Thomas dans l'émission Fort Intérieur sur France Culture en 2009. La solitude à laquelle je pense, c'est pas une solitude humaine, c'est une solitude sociale. Mais enfin, on va pas parler de ça maintenant, ça n'a pas grand intérêt. Mais c'est un des thèmes du livre. Disons que je me sens comme écrivain, parfois, dans le milieu littéraire, dans les médias, enfin, je sais pas comment dire, j'ai pas envie d'en parler ici. Je me sens un peu seul, oui, je me sens un peu isolé. N'en parlons disons, pas. Isolé, oui. Disons un peu isolé, un peu mis de côté, un peu ostracisé, si vous voulez, pour employer un mot prétentieux. Au printemps 2016, le livre qu'il doit publier aux éditions du Cerf est refusé. Aussitôt, Manuel Carcassonne, éditeur du Stock, le récupère et affirme. À la fin des années 80, Gabriel Masnef était un personnage légendaire, perçu comme un esprit libre. On manque de gens comme eux. Le milieu littéraire est de plus en plus uniforme, aseptisé et politiquement correct. Il n'empêche, au premier jour de l'année 2020, le livre de Vanessa Springora vient dynamiter ce système. Un récit que personne n'avait vu venir et qui commence par ces lignes. Depuis tant d'années, je tourne en rond dans ma cage. Mes rêves sont peuplés de meurtres et de vengeance. Jusqu'au jour où la solution se présente enfin, là, sous mes yeux, comme une évidence. Prendre le chasseur à son propre piège, l'enfermer dans un livre. Une déflagration, ce livre. Elle y raconte l'amour, l'emprise, les crises d'angoisse, les épisodes psychotiques et les années pour s'en défaire. La France découvre son visage et sa voix cassée. Comme ici au micro de Laura Adler dans l'émission L'Heure Bleue, où après avoir ressuscité le terme « consentement », elle appose à son histoire celui de « ravissement ». Moi, je ne sais pas si... Je pense que mon amour a été d'une sincérité totale quand j'avais 14 ans pour cet homme qui était écrivain. Je pense que je me suis complètement perdue, mais je pense que c'est pas un don que j'ai fait. Enfin, j'ai fait don de ma jeunesse, de mon adolescence, de ma virginité, de mon insouciance, de mon innocence, de mon ingénuité, de beaucoup de choses. Mais je pense qu'on peut parler de lui comme d'un ravisseur, mais dans son cas, je n'emploierai pas le mot d'amour. Dans le Figaro, Eugénie Bastier prend la plume. Voilà notre société mise face à l'abîme de son relativisme moral. De scandale en affaire, c'est le droit d'inventaire de la révolution sexuelle qui, sans se l'avouer, a commencé. Comment en aurait-il pu être autrement? Dans Marianne, Natacha Polony accuse. Les mêmes qui fustigeaient la morale bourgeoise se rachètent à coups d'indignation. Et immédiatement, l'appareil médiatique s'affole, s'emballe et se déchaîne contre l'ancien marquis. Et en quelques jours, chacun révise sa copie, y compris Libération, avec une tribune de Laurent Geoffrin titrée « Prédateur ». Et l'on exhume les archives, dont évidemment celle de Denise Bombardier dans Apostrophe, qui aussitôt devient virale. Depuis le Québec, elle savoure sa revanche et porte le coup de grâce en déclarant « La complaisance envers Gabriel Masnef dit quelque chose de la France. Tous vos monstres sacrés ont soutenu la décriminalisation de la pédocriminalité, il ne faut pas l'oublier. Alors, libraires, éditeurs, retirent les livres signés Masnef de leur catalogue. Le CNL, embarrassé, lui retire son allocation. » L'adjoint aux affaires culturelles de la mairie de Paris, Christophe Girard, ancien secrétaire général de la maison Yves Saint-Laurent, démissionne. Accusé d'avoir depuis les années 80 et dans différentes fonctions été un fidèle soutien de Masnef, qui le présente comme un ami, ce que Christophe Girard dément. Faux, dit-il. Et Jérôme Garcin, lui, claque la porte du Renaudot. En annonçant hier sa démission du prix Renaudot, Jérôme Garcin, grande voix de France Inter et chef du service culture de l'Obs, entend faire bouger les lignes. Dans l'Obs, justement, Jérôme Garcin explique que son départ est lié aux révélations de Vanessa Springora sur l'emprise exercée durant des années par l'écrivain Gabriel Masnef, prix Renaudot de l'essai en 2013. Pour Jérôme Garcin, les jurés du Renaudot auraient dû se remettre en question. Lui-même s'était opposé à l'époque à la distinction de Masnef. À l'époque du vote en faveur de Masnef, je n'avais pas voté pour lui. C'était en 2013, j'avais voté contre, mais je n'avais pas pour autant quitté le jury. Et donc, je me disais que les révélations que le livre de Vanessa Springora aurait dû avoir, selon moi, des effets directs sur le jury. Et je vois que rien ne s'est passé, et donc j'ai pris la décision, effectivement, de quitter ce cénacle du prix Renaudot. Lâché par ses amis, Masnef s'enfuit en Ligurie, où les paparazzi le montrent seul face à la mer, retranché derrière des lunettes de soleil, piégé par sa nouvelle désignation pédocriminelle. Côté justice, le parquet de Paris se saisit de l'affaire dans le cadre d'une enquête pour viol sur mineur à la recherche d'affaires non prescrites. et aujourd'hui, deux instructions pour viol sur mineur sont en cours. En tout cas, comme il paraît loin, le temps au Paris Match qualifiait Massenet de décadent magnifique et lui demandait « Ne craignez-vous pas qu'on ne retienne de vous que vos préférences pour les jeunes filles ?» Question à laquelle il répondait « Ceux qui essaient de me réduire à cette étiquette infamante ne m'ont jamais lu. Rendez-vous dans 50 ans !» France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, les années Massenet, notre invitée Anne-Claude Ambroise Rendu. Bonjour. Bonjour Fabrice Drouel. Vous êtes professeure à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et surtout autrice du livre « L'histoire de la pédophilie » publié en 2014. Déjà juste sur le titre, vous employez « pédophilie ». C'est parce qu'on employait ce mot avant, oui. C'est l'histoire, tout simplement. Oui, c'est par désir de clarté. Mm-hmm. Vous savez, ce n'est pas l'auteur qui choisit le titre, mais souvent l'éditeur. En plus, oui. Alors, on comprend, mais c'est le principal, qu'il a fallu près de 2 siècles pour qu'une agression sexuelle commise sur un enfant soit perçue comme un crime. Comment expliquer une telle latence morale et juridique ? En réalité, je crois qu'il faut distinguer les sphères, c'est important. Dans la sphère judiciaire, c'est-à-dire dans le code pénal de 1810 et pour les juges, c'est très clair dès le début du 19e siècle qu'agresser sexuellement un enfant, c'est un crime. Et vous l'avez dit, dès 1832, ce crime n'a pas besoin d'être accompagné de menaces et de violences. Donc on invente effectivement le crime de pédophilie. Ce qu'il définit, c'est l'âge de la victime. Et ce crime est puni, selon sa nature, de peine de réclusion ou de travaux forcés à perpétuité ou à temps. Donc, il est traité comme tel. Mmh. Les magistrats sont bientôt suivis, d'ailleurs, sur ce terrain de la pénalisation par les médecins. Mais ça ne s'accompagne pas forcément par une condamnation. Parce que les jurés, ce crime est traité par les cours d'assises, et les jurés sont des hommes. Et ils hésitent à condamner à une lourde peine un de leurs semblables. Donc on voit que la chose est moins claire, la réalité du crime est moins claire dans l'espace public, où on peine à considérer le caractère de gravité d'un tel acte et à prendre en considération ses effets. Mais quand la presse commence, à la fin du 19e siècle, à évoquer ces crimes dans ses rubriques de faits divers essentiellement, elle les dénonce comme des faits monstrueux, odieux ou hautement immoraux, sans que pour autant ça se traduise dans la justice, parce qu'en effet, les dernières années du 19e siècle sont celles d'une croissance de ces affaires traitées par la justice, mais en même temps d'un allègement très sensible des pénalités, qui pour l'essentiel sont des peines correctionnelles. Bien, et si j'ai bien lu votre livre, on voit clairement que le plus faible taux de condamnation se situe entre 1981 et 1985, avec seulement 42 condamnations, soit encore moins qu'au 19e, et avant que ce nombre ne remonte à 1586, les années après. Oui, qu'est-ce qui se passe dans les années 80? C'est un effet de source, il faut le dire. La loi de décembre 1980, qui redéfinit le viol, contribue à correctionnaliser les attentats à la pudeur sans violence sur mineurs. Donc, c'est... Voilà, les chiffres que je donne sont les chiffres des assises, hein. Et les attentats à la pudeur n'apparaissent plus dans ces chiffres. D'autant plus que la doxa médicale continue de dire assez longtemps, et sans doute encore à ce moment-là, que le viol sur un mineur n'est pas possible en raison de la disproportion des organes génitaux entre un adulte et un enfant. Donc, ces affaires-là sont traitées comme des attentats à la pudeur. Sans violence. Dans vos recherches, le premier rapport d'expertise dans un dossier d'instruction qui fait explicitement mention d'un impact psychologique date de 1960. Il concerne une petite fille de 7 ans, Eliane, qui fait de récurrents cauchemars. Comment est reçue cette idée à ce moment-là ? Alors, d'abord, il faut dire que cette idée, elle indique un changement de paramètre. Jusqu'alors, la question de l'impact de l'acte sur la victime n'était même pas posée. L'idée qui dominait, c'était que plus l'enfant était jeune en réalité, plus elle allait oublier, et que donc ça n'avait pas de caractère de gravité autre que morale, ce qui est important. Et puis à l'orée des années 60, on voit qui est prise en compte l'épaisseur psychologique de la chose. Et ce qui est remarquable, c'est la manière dont le rapport d'expertise donne la parole à la fillette, ce que on fait finalement très peu, hein, et c'est aussi le cas pour Gabriel Matzneff. La fillette qui dit « J'ai peur de papa, il m'a piqué entre les jambes avec son machin ». Donc, commence à partir de ce moment-là la quête des conséquences psychologiques, mais qui continue de mêler dans les expertises une dimension morale. Donc, on assiste à une espèce de fusion entre le regard médical et le regard du moraliste. Et on arrive à notre époque. Quel est votre regard sur cet argument sorti par ceux qui soutiennent ou qui trouvent des circonstances atténuantes à des dérives, qui disent « c'était l'époque ». Qu'est-ce qu'on répond à « c'était l'époque » ? Alors, en tant qu'historienne, le « c'était l'époque » n'a pas beaucoup de sens pour moi, mais j'entends bien, ce que ça signifie. C'est une, je dirais presque un syntagme figé qui désigne un autre cadre moral et culturel qui, en effet, était assez prévalent dans les années 60, 70 et encore dans les 80 années 80 aussi, hein. Oui, absolument. Et donc, on est Matzneff et les siens, si j'ose dire, ont profité de cette entreprise de démolition, ou on pourrait dire aussi de déconstruction, hein, du cadre moral qui était dénoncé comme un cadre bourgeois, qui était celui de la société, et dans ce cadre, le pivot de cet ordre bourgeois, c'était évidemment la famille, et le autre pivot, c'était la sexualité. Et donc, en affirmant, c'est d'ailleurs très, très intéressant, en affirmant libérer les enfants, il a été question d'émanciper le mineur. Mais sans demander au mineur... Oui, s'il était d'accord, voilà, On émancipe le mineur. Hein, ouais. Et donc, en réalité, ce cadre, le vrai cadre dans lequel étaient appréciées ces violences, il n'était pas pris en compte parce que c'est le cadre du patriarcat, il me semble, hein, qui domine là. Et ça, Matzneff et les siens ne le voient pas. France Inter. Affaires sensibles. Anne-Claude Ambroise Rendu, je rappelle que vous êtes historienne et autrice du livre L'histoire de la pédophilie. Le récit qu'on a entendu ne fait le procès de personne nommément parce que c'est pas son rôle. Mais le procès quand même d'une intelligentsia et de la responsabilité des milieux littéraires et intellectuels. On se pose la question comment des gens normalement si éclairés ont pu tomber dans cette dérive. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Tout simplement parce qu'ils étaient des hommes de leur temps. Et dans ce que je viens de dire, tout compte. Ah, c'était l'époque. Voilà. Alors, ils évoluaient dans ce cadre culturel, intellectuel, dans lequel, effectivement, avoir des rapports sexuels avec des enfants, c'était le signe d'une émancipation, d'une libération, etc. Et puis, je dirais aussi parce que c'était des hommes. Et que, précisément, cette liberté... Il y a eu des femmes aussi, non? Alors, il y a eu quelques femmes, ouais. mais c'est pas parce qu'il y a des femmes que le cadre reste pas celui de la domination masculine. Et cette liberté qu'il revendiquait pour les enfants, c'était en réalité la liberté... Enfin, la continuation hein, de siècles d'histoire dans lesquels le corps des enfants, le corps des femmes est à la disposition des hommes. Ouais. Et puis, il y a eu la révolution MeToo. Alors, on parle de révolution MeToo. Déjà, est-ce que le terme révolution vous sied concernant MeToo? Ah oui, je suis d'accord. Je pense qu'avec MeToo, on a franchi une nouvelle étape dans ce qu'on pourrait appeler le processus de civilisation des mœurs. Et avant MeToo, il y a eu quand même des semi-prises de conscience. Alors, je voudrais qu'on réécoute ce qu'on a déjà entendu dans le récit, l'interview menée par Jacques Chancel. On va réécouter la question de Jacques Chancel. On va bien l'écouter. Vous allez voir, c'est très intéressant. C'est un pas dedans, un pas dehors. Il y a quand même une avancée, mais en même temps, c'est très timide. Écoutez. C'est vrai que vous aimez les moins de 15 ans, les moins de 16 ans. C'est vrai que vous allez à la sortie des lycées. C'est vrai que vous fréquentez la piscine de Ligny. Et pour des bonnes raisons. Alors moi, je pense à tous les parents. Je pense à tous ceux qui ont des filles ou des garçons de 15 ans et qui peuvent s'étonner justement de vos fantasmes et qui n'ont peut-être pas les mêmes idées que vous. Vous avez votre liberté, mais vous leur enlevez peut-être quelque chose et peut-être enlevez-vous encore plus à ceux que vous rencontrez. Alors, où en êtes-vous de ce côté-là? Pardon de vous le poser aussi brutalement. Ah, il s'excuse de poser la question, mais il la pose quand même. Il y a quand même une brèche. Il ouvre une brèche et on sent qu'on est peut-être dans un basculement entre deux époques. Je ne sais pas comment vous interprétez ça. Oui, on est à l'amorce d'un basculement, mais ce basculement, il est sans cesse l'objet d'une espèce de backlash. C'est-à-dire, d'abord, il faut quand même remarquer que Chancel parle avant tout de l'inquiétude des parents. Oui. Hein, donc voilà. Encore une fois, c'est lui la victime et voilà, pas mis en avant. On ne donne pas la parole à la victime et c'est très facile pour les détracteurs de cette position-là de dire bah oui, c'est toujours la famille qui est défendue. Ouais. Et donc un ordre qui est encore une fois un ordre bourgeois. Ah oui. Et contre lequel l'État souvent rechigne à intervenir parce que ce sont des affaires privées, puis qu'on va pas dans les affaires privées. Voilà. L'État évite de légiférer trop sur la famille. Alors, s'il y a tournant, bon, on a parlé de MeToo, un tournant majeur, hein, fondamental, mais peut-être qu'il n'est pas le seul. Est-ce qu'il y a eu, s'il y a eu un tournant, un changement de mentalité et de moralité, il se situerait où ? Alors, c'est toujours, à la fois, c'est l'obsession des historiens que de repérer les tournants, et en même temps, c'est toujours très difficile d'affirmer que là, quelque chose de nouveau est apparu. Mais enfin, il me semble quand même que ce tournant, il date de 1986, c'est-à-dire du moment où, et le récit l'a dit aussi, hein, du moment où Eva Thomas publie son livre Le viol du silence, et où, et c'est ça la nouveauté, elle est invitée sur le plateau des dossiers de l'écran, elle est invitée à témoigner du viol incestueux dont elle a été victime. Et la nouveauté de cette émission, c'est qui était un classique absolu qu'on regardait en famille, c'est que elle a été extrêmement suivie et qu'elle a fait l'objet d'un écho médiatique tout à fait considérable. Toute la presse, et c'est pas une expression que j'emploie là, hein, toute la presse en parle le lendemain, et même la presse internationale, en signalant que cette révélation que fait Eva Thomas va changer le cours des choses. La honte a changé de camp, dit un des médias qui rapporte cette émission. Bon, et puis, après il y a eu un reflux, c'est vrai. Alors que vous situez quand le reflux ? Que je situerais au début des années 2000. Un reflux, c'est-à-dire qu'on a oublié. Et du coup, le livre de Vanessa Springora... J'allais vous en parler, c'est un tournant ça aussi. Et oui, c'est un tournant parce que quand il est sorti, tout le monde a dit « Oh, quelle révélation, quelle nouveauté, enfin on déchire le voile du silence, etc. » Et moi je disais mais non, ça fait longtemps que des victimes avaient parlé, avaient témoigné, et... Qui plus est, Matzneff n'ayant jamais fait mystère de ses préférences et ayant consacré son œuvre littéraire tout entière à ce sujet, on ne pouvait pas l'ignorer. Ouais. Quelle était, ce sera ma dernière question, votre intention éditoriale en écrivant ce livre ? Qu'est-ce que vous vouliez faire passer ? Qu'est-ce qui vous semblait absolument nécessaire de savoir et qu'on sache ? Je voulais essayer de faire comprendre que cette histoire des crimes sexuels sur enfants n'est pas l'histoire des autres, qu'elle est notre histoire à tous, et c'était une façon de dire ce que Neige Sino a dit beaucoup mieux que moi à la fin de son livre, c'est que nous vivons avec les monstres, hein, ce que nous qualifions de monstres, et que donc c'est vraiment l'affaire de tout le monde. Ouais. C'est bien de s'adresser à des historiens dans un débat passionnel, parce qu'on voit que le réflexe ne se substitue pas toujours à la réflexion. Donc merci pour votre réflexion. Au revoir. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les années Masneff, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Ludovic Asselot.